Les deux aveugles. Le vieux se tenait sur le pas de sa porte, à l'ombre que la maison opposait comme une saillie d'eau fraîche aux ardeurs du soleil de juillet. Il n'était pas plus bon qu'à être assis à l'ombre l'été, au coin du foyer l'hiver, sa vue s'étant complètement obscurcie vers la soixantaine. Et il ne s'en consolait pas, bien que son fils, un rude gars, fût en âge de faire aller la ferme et, aidé des conseils du père aveugle, le remplaça aujourd'hui en somme sans trop grand dommage. Mais la mère Moreux ne cessait de grommeler. Elle en voulait à tout et à tous de la malédiction tombée sur les paupières de son mari. Sa besogne, à elle, en était plus que doublée, en effet, car le vieux, chacun le savait, avait autrefois l'œil partout. Heureusement, le soir venu, Eugène, le fils, apaisait sa famille, quand il revenait des champs, gaillard, sentant la terre retournée, la feuille humide, ou l'odeur poussiéreuse des grains. Aux dernières lueurs du crépuscule, comme il avait la vue bonne, lui, et pour économiser la chandelle, il lisait à son vieux le journal. Et en cette fin de juillet, tout à coup, la lecture du journal, au crépuscule, cessa d'être une cause de délassement. Eugène lisait sur un ton monotone, sans comprendre grand-chose à la politique extérieure, lorsque le vieux prononça, en branlant la tête. « Vous allez voir qu'ils vont nous jouer le même tour qu'en 70, ces salauds-là. Oh, je m'en souviens fichtre bien !» Et il se fit conduire par son fils chez le notaire, puis composa un paquet qu'il enferma dans une vieille boîte à biscuits, et à l'aide de son fils et de sa femme, seul témoin, déposa dans une cachette. Deux jours après, Eugène rejoignait son dépôt. Le père et la mère Moreux restaient mornes. Qui est-ce qui ferait la vendange? Et puis Eugène, quel est-il à devenir de lui? La même question se posa tous les jours, pendant cet éternel mois d'août et pendant ce mois de septembre, si effroyable au début, si plein d'espérance à la fin. C'était la mère, à présent, qui lisait à la lumière, et très difficilement, car elle n'était pas savante. Et puis, elle était harassée par l'ouvrage. Eugène avait fait des marches précipitées, de 60 kilomètres par jour, le pauvre fieu. Tout de même, il avait assisté à une fameuse affaire, celle de la Marne. Et puis après, c'était des batailles terribles, de tous les jours, et qui n'en finissaient pas. Puis on resta quelque temps sans savoir ce que devenait Eugène. Puis il écrivit, ou plutôt, il fit écrire par son infirmière qu'il était dans un hôpital à Béziers, qu'on le soignait très bien et que sa santé se maintenait. « Il a le bras droit ou la main emportée, » dit le père. « Je vois ça d'ici. J'en ai vu d'autres du temps de la guerre. Autrement, il écrirait lui-même. « Tu vois, tu sais bien que tu ne vois rien, » disait la mère, l'estomac tordu par l'angoisse. « Il a une bonne santé, il en réchappera. Avec un seul bras pour remuer la terre et tailler les jeunes plants, il en réchappera, joli garçon. » On fit écrire aux soldats blessés pour avoir des renseignements plus précis. Ce fut encore l'infirmière qui répondit, en répétant que l'état général de Moreux était excellent et que sa blessure était insignifiante. « Et c'est pour une blessure insignifiante qu'on l'a envoyé à Béziers, » disait le vieil aveugle. « Béziers, sais-tu où que c'est ? J'ai fait venir de ce patelin-là des plants de vigne du Midi, la grande année du phylloxéra. C'est comme ça que je sais où ça se trouve. » On recevait de l'hôpital, régulièrement aussi, des cartes postales officielles, avec les signatures, et du timbre du médecin-chef, portant toujours « état satisfaisant ».« Drôle d'état satisfaisant, » répétait le père, « qui vous prive un homme de l'usage d'écrire. »« Il est coquet, » disait la mère. « Peut-être bien que sa main tremble, tant soit peu. Il n'y avait pas pareil à lui pour une belle écriture. » Une bonne nouvelle arriva après des mois. Eugène était décoré de la médaille militaire. La médaille militaire, ce n'est pas une plaisanterie. Ça ne tombe pas du ciel comme la grêle. Qu'est-ce qu'il avait bien pu faire pour décrocher ça? Et dire qu'il ne s'en vantait point. Un beau jour du mois d'avril, en plein midi, tandis que la mère Moreux était en train de biner elle-même dans son champ, en haut de la côte, un grand gars parut sur la route, conduit à la main par un gamin du village. Des chiens aboyaient. Le temps était superbe. Les cerisiers, les amandiers en fleurs, ils sortaient de toute la terre, sous les cieux tranquilles, un parfum de jeunesse, un air de bonheur. « Mon fils !» s'écria la mère Moreux. Le « fils » se retourna du côté d'où venait la voix. C'était lui et ce n'était pas lui. Il ne lâchait pas la main du petit qui le conduisait. Il avait un bâton de l'autre main. Il était affublé de vêtements bourgeois un peu étriqués. Il portait la médaille au ruban jaune sur le revers du veston. Mais comment n'enjambait-il pas le fossé? Comment ne criait-il pas « Mans, c'est moi !» Ce fut elle qui courut et qui enjamba le fossé. Et dans le temps d'un éclair, elle comprit tout. Mais en paysanne, dure au mal, elle ne broncha pas, ne proféra pas une plainte, ne dit même pas un mot. Elle congédia le gamin qui avait amené son fieu. Elle prit celui-ci par la main et eut le courage de lui parler seulement des semailles qui avaient été faites si maladroitement que le blé noir et l'avoine levaient par paquets. Des touffes d'herbe dans un champ nu. Elle lui expliquait, lui décrivait les choses de la culture, comme si, de tout temps, elle savait qu'elle ne pouvait rien découvrir par lui-même. Et en parlant, elle pensait « C'est le pas. Qu'est-ce que va dire le pas ?» Elle arriva avec le malheureux mutilé jusqu'à la ferme, et à l'idée de présenter son fils aveugle au vieux père aveugle, ses forces la trahirent. Elle n'ignorait pas que le vieux, bien que privé de lumière, se rendait compte de tout, que l'état de son garçon, quoi qu'on fît, ne lui échapperait pas. Elle dit à Eugène « Il est là, assis devant la porte. T'as qu'à marcher tout droit et étendre la main. Tu toucheras la sienne. » Elle s'enfuit vers l'étable en criant au vieux. « Crois-tu cette chance? V'là notre gars, avec sa médaille !» Le vieux redressa sa tête lente, fermée au jour, sa bouche, pareille à un cuir fendu mais desséché, qu'une eau soudaine amollit, s'entr'ouvrit pour donner passage à un bégaiement. Pendant ce temps, Eugène, mal éduqué encore, au lieu d'avancer droit à son père, allait s'aplatir contre le mur. Il se fit mal, fut vexé et jura. « Qu'est-ce que tu fais donc ? » dit le père. « Tu me vois donc point ?» Eugène se retourna vers l'endroit d'où venait la voix de son père, mais il le manqua encore et passa tout à côté de lui. Le vieil aveugle, dont les sens étaient très habiles et à qui presque rien ne pouvait être dissimulé, le rattrapa. Il lui palpa rapidement les quatre membres et dit « C'est les yeux qu'ils t'ont ôté, mon pauvre fils. Malheux de malheux !» Eugène ne répondit pas. Et entre les paupières aux trois quarts baissées du vieil aveugle, des larmes coulèrent tout à coup. La mère Moreux, près de l'étable, portait, comme l'eût fait un homme, une lourde botte de foin piquée aux cornes d'une fourche. La fille de ferme, témoin de la scène, lui désigna les deux hommes. L'ont manqué, le père et le fils, de ne pas arriver à se toucher la main. Le monde est damné, en v'là la preuve. Lue par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.